Vous avez une idée, c'est quoi une ingestion de produits positifs? C'est un test, c'est pas un test. Ça veut dire que vous n'aurez pas de produits, ça veut dire que vous devez comprendre. C'est ça le test. Ça veut dire que vous devez connaître comment se conduire devant quelqu'un qui se présente après avoir ingéré un produit positif. Alors, avant de savoir prendre en charge ce patient, vous devez déjà connaître c'est quoi un produit positif. Si on dit ingestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ingérer, ça veut dire que c'est le tube digestif. Alors, l'ingestion positive, il faut savoir, je vais vous donner un petit exemple là. Au cours de ces trois derniers jours, on va dire jeudi, vendredi, samedi, on a eu trois ingestions positives durant les gars. Ce n'est pas très fréquent, mais parfois on peut avoir rien que ces trois jours, on a eu trois patients. Et pour vous dire encore, c'était des ingestions massives et les trois patients sont décédés. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Là, on n'a pas eu ça il y a bien longtemps, mais au bout de trois jours, on a eu trois ingestions et les trois sont décédés. Un avant l'intervention, un pendant l'intervention et le troisième après l'intervention. C'est juste pour vous donner, pour vous dire un peu de l'ampleur. Il faut savoir que ce n'est pas fréquent. Deuxièmement, il faut savoir que c'est une urgence. C'est une urgence, ce n'est pas une urgence chirurgicale seulement, c'est une urgence médico-chirurgicale. Ça veut dire qu'il y a plusieurs intervenants. Il y a le médecin urgentiste, il y a le médecin généraliste, il y a le médecin réanimateur, il y a le chirurgien et il y a l'endoscopiste. Et on peut dire parfois, même l'ORL, même le médecin ORL peut intervenir. C'est une. Le pronostic, il dépend de plusieurs choses. Il dépend premièrement de la précocité de la prise en charge. Par la suite, il dépendra de la quantité du produit ingéré. Il dépend aussi du produit lui-même, du type du produit. Parce que la conduite à tenir, elle est différente entre le type de produit. On va voir. On a plusieurs types de produits. Possible, de produits qui sont érosifs. Ça veut dire que ce sont des produits dont le contact avec la muqueuse du tube digestif, les premières muqueuses qui sont en contact. On a la muqueuse œsophagienne, les premières. On a l'œsophage et l'estomac. Dans le tube digestif, ce sont les deux premiers organes atteints. On a par la suite le pylore qui est un sphincter qui va se fermer. On peut dire qu'il va faire barrière au produit. Mais si l'ingestion est massive et le produit est de grande quantité, ça peut passer dans tout le reste du tube digestif. Ça peut passer dans le tube comme ça peut passer par diffusion du produit. D'accord? Le pancréas peut être touché. Vous allez me dire le pancréas ne fait pas partie du produit du tube digestif. Je vais vous dire qu'il va être touché par diffusion. Le produit va être diffusé et même les organes de voisinage du tube digestif peuvent être touchés. Alors, il faut savoir que c'est une pathologie grave. On a 10% de mortalité dans les ingestions massives. Et chez 10 à 40% des patients, les patients peuvent garder des séquelles. Et on va voir quelles sont les séquelles. Alors, comme résumé, ce que vous devez connaître le produit, sa nature, sa quantité, les lésions provoquées par ce produit et les séquelles qu'on va garder après avoir ingéré le produit. Donc, vous allez faire face à plusieurs étapes. C'est un TD. Si c'est pas clair, vous posez des questions. Alors, si on va parler un peu d'épidémio, bon, pour les statistiques, j'espère, je le dis à chaque fois que j'assure ce cours, vous serez de bons épidémiologues et vous allez nous faire les statistiques. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas de statistiques de nous, de statistiques d'Algérie. Je peux vous donner un peu les statistiques de notre veille médicale pour vous dire qu'on n'a pas un chiffre exact. Mais généralement, il y a quand même, en France, ils disent qu'ils ont 15 000 nouveaux cas par an. Nous, on n'a pas de statistiques. Je peux vous dire que c'est peu fréquent, c'est pas très fréquent, mais quand même, ça fait partie des urgences conséquent, qu'on a 360 malades l'année. Non, on peut avoir moins, on peut avoir plus. On n'a pas de statistiques fiables à nous. L'ingestion est volontaire, on peut dire, dans 80% des cas, surtout chez l'adulte. Chez l'adulte, on peut dire qu'elle est volontaire dans plus de 90% des cas. Parce que l'adulte va prendre un produit s'il sent, bon, on va dire qu'il s'est trempé de bouteille, malgré actuellement les bouteilles sont bien étiquetées. Il va prendre le produit, on va sentir que ce n'est pas de l'eau, on va rejeter. Si on ingère, ça veut dire qu'on l'a pris dans un but bien précis. Ça veut dire que c'est volontaire. L'adulte est quelqu'un de conscient. Ça veut dire que s'il prend quelque chose, il va trouver un goût qui n'est pas le goût qui le convient, il va le rejeter. Par contre, s'il veut, s'il aille jusqu'à prendre une demi-bouteille, une bouteille, un verre, un demi-verre, enfin, ça veut dire que c'est volontaire. Même si le patient vient vous dire que ce n'est pas volontaire, le fait de dire qu'il a ingéré le quart de la bouteille, ça veut dire que c'est volontaire. C'est clair? Vous pouvez le constater vous-même. Si vous goûtez quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez la rejeter immédiatement. Par contre, si vous l'ingérez, ça veut dire que vous avez des fois même un goût amer, mais vous l'ingérez, un médicament qui a un goût amer, vous l'ingérez parce que vous êtes obligé. C'est pareil, si on ingère quelque chose, ça veut dire que c'est dans un but, que c'est volontaire, ce n'est pas involontaire. Je précise sur ce point, c'est pour dire qu'après avoir pris en charge le patient, le psychologue et le psychiatre ont le rôle aussi dans la prise en charge du patient. Parce que c'est dans un but suicidaire et le patient doit avoir une prise en charge psychiatrique et psychologique. Par contre, chez l'enfant, elle est accidentelle. C'est pour ça que chez l'enfant, on a plutôt plus de lésions buccales au niveau des mains. Parce qu'il prend le produit, il va le rejeter immédiatement. Mais comme c'est un enfant, même petite quantité, ça peut irriter. Et ça peut provoquer des lésions œsophagiennes et gastriques. Heureusement que 75% des lésions sont bénignes, mais 10 à 20% de mortalité pour les lésions buccales. On va arriver au produit lui-même. C'est quoi un produit? C'est quoi un produit caustique? C'est un produit érosif. Vous allez trouver ça normalement dans les bouteilles. Les bouteilles doivent être étiquetées. Le produit caustique doit être étiqueté. Actuellement, dans notre législation, normalement, c'est auparavant, il y a quelques années, on peut vous dire qu'il y a l'année passée seulement, il n'y avait pas de législation qui oblige les fabricants à mettre sur le produit que c'est un produit caustique, érosif, avec une grande plaque. Écrire dangereux, rapable. Actuellement, c'est dans la législation et tous les produits caustiques devraient avoir la notion de que c'est un produit caustique, érosif. Dans les magasins, doivent être mis à part. Ils ne doivent pas être dans le même rayon que les autres produits. Même les produits ménagères, il faut qu'il y ait une étagère spéciale pour le produit caustique, érosif, qui provoque des lésions au niveau des muqueuses. C'est des produits qui doivent être mis à part. Alors, le produit caustique, ce sont toutes substances susceptibles, du fait de son pH ou de son pouvoir oxydant, d'induire des lésions tissulaires, ça veut dire des lésions sur les tissus. De cette définition, qu'est-ce que vous allez constater? Si je dis du fait de son pH ou de son pouvoir oxydant, ça veut dire que les produits caustiques, c'est quoi? Ce sont des produits qui ont un acide. pH acide ou alcalin. Ou un pH alcalin ou ce sont oxydant. Des oxydants. Oui. Alors si on résume les produits, ce sont soit les acides, soit les bases, soit les oxydants. Mais ce n'est pas tous les acides ou toutes les bases ou tous les oxydants qui sont caustiques. Ce sont les acides et les bases, donc le pH fort. Est très important. Alors, ce sont surtout les produits à usage domestique, les bases, les acides, les oxydants. Et donc, le pH, les acides, le pH qui est inférieur à 2. C'est ça, les produits, ça veut dire que ce sont les acides forts ou les bases fortes. Pour les bases, ça veut dire que ce sont les bases dont le pH est supérieur à 11. Ça veut dire le pH de 12 et plus. Sinon, les oxydants, qui peut me donner un exemple d'oxydant? Fréquent qu'on utilise souvent quotidiennement l'eau de javel. L'eau de javel et l'oxygène. Oxydant. Alors pour les acides forts, Ça veut dire les acides dont le pH est inférieur à 2. On a les chlorhydriques, les sulfuriques, ça veut dire que c'est les sulfuriques, c'est surtout l'acide de batterie. En général, les jeunes ne prennent l'acide de batterie dans un but suicidaire. Les détartrants, ce sont des produits qui vont, au contact du tissu, vont sécréter le liant H+. Et cette sécrétion, au contact des muqueuses, va provoquer une nécrose qu'on appelle une nécrose de coagulation. Ce sont des lésions plutôt superficielles, c'est pas profond, plutôt superficielle que profond. Mais si la quantité est très importante, ça peut provoquer des lésions de toute la paroi. Ce sont des lésions plutôt proximales que distales, plutôt distales que proximales. C'est pour ça qu'on a plus de lésions au niveau de l'antre. Au niveau de l'antre, au niveau de l'estomac, le produit va stagner, on a un spasme. Ça veut dire que le pylore avec une réaction inflammatoire, le spasme peut être inflammatoire comme il peut être réflexe. Et le produit va rester au niveau de l'antre et ça va provoquer une nécrose au niveau, surtout au niveau gastrique. Mais si la quantité est très importante, ça peut être même au niveau de l'œsophage. Mais ce que vous devez retenir, les acides, c'est surtout des lésions gastriques, entrantes que proximales. Et ils vont provoquer des lésions superficielles par nécrose de coagulation. Bon. Pour les bases, plutôt dans le pH est supérieur à 11, les bases sont des lésions, ce sont des produits qui sont visqueux. D'accord ? Ils sont visqueux. Alors s'ils sont visqueux, ils vont provoquer plutôt des lésions proximales que distales. Le produit visqueux, il va provoquer des lésions profondes. Ça veut dire qu'en touchant la muqueuse, il va passer en profondeur. Il va provoquer une saponification des graisses et une dissolution des protéines. Les bases, c'est les ions OH qui vont être sécrétés. Par rapport aux acides, c'est plutôt l'H+. C'est clair ? Pour comprendre le mécanisme physiopathe, à partir du mécanisme, tout le reste va être plus ou moins clair. Les bases, c'est plutôt parce que c'est un produit qui est visqueux. Alors si on prend un produit visqueux, les lésions vont commencer au niveau déjà proximal, précoce. Ça veut dire que c'est plutôt œsophage qu'estomac. Mais si la quantité est importante, le produit va passer même au niveau de l'estomac. Ça peut passer même par inhalation, il peut toucher même la trachée, par inhalation, soit par diffusion, ça veut dire que ça va provoquer une lésion au niveau de toutes les couches de la paroi, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, etc. Et ça va passer dans les organes de voisinage. C'est clair ? Les oxydants, l'eau de javel, l'eau oxygénée, il faut que ça soit concentré. Donc ça peut provoquer des lésions importantes. Alors pour les produits qui ont une causticité moyenne, c'est plutôt les oxydants, s'ils ne sont pas concentrés. Alors les oxydants, on a l'eau de javel, les permanganates de potassium, l'oxygéné et les produits de vaisselle. Ça, c'est des produits qui n'ont pas une causticité très importante. Pourquoi j'insiste ? Parce qu'en interrogeant le patient, la première question à poser, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a pris comme produit ? Alors, ils vont vous dire qu'il a pris de l'eau de javel. Vous allez considérer ça comme l'ingestion d'un produit qui est très toxique ou peu toxique. Vous allez demander s'il est concentré ou pas. Il va vous dire non, c'est le produit qui n'est pas concentré. La deuxième question à poser. La quantité. On va dire que la quantité, si on prend une quantité pour un produit qui est concentré et un produit qui n'est pas concentré, c'est pas la même. Hein. Alors s'il prend un cap de verre d'un produit, on va dire le décapfour, qui est quand même le décapant, c'est des produits qui sont forts, qui sont des acides forts. Et un cap de verre d'eau de javel. Les lésions vont être pareilles ? Non, parce que l'eau de javel, quand même, est un produit qui est dilué, qui a une causticité moyenne. C'est pour ça, la quantité, le type de produit, le type et la quantité et la concentration, c'est très important. Ça, c'est ce que vous devez poser comme question, comme première question. Qu'est-ce qu'il a pris contre Dieu? Alors, vous n'avez pas posé la question. Moi, je vous dis, il a pris tel produit. Alors, puisqu'il a pris tel produit, combien il a pris de produits? C'est très important. La quantité, même dans, dans vos critères de gravité, c'est en fonction du produit, de... Quantité, oui. La quantité. De sa quantité. De la quantité. On va arriver à l'heure. À l'heure du prix du produit. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe? Il y a des signes cliniques déjà mineurs. Donc, on va sélectionner, on va mettre les signes mineurs à part et les signes de gravité à part. Parce que la conduite à tenir va être différente si on a des signes cliniques mineurs ou des signes cliniques de gravité. Alors, les signes cliniques mineurs, bon, le patient va présenter des douleurs oropharyngées, une douleur rétrosternale, des douleurs abdominales en général. Une hypercialorée, ça veut dire qu'il va, il y aura beaucoup de salive. Beaucoup de salive parce qu'il a pris du produit, il y aura une hypersalivation. Une dysphagie, cette dysphagie, elle est due à quoi? Je me réponds. Très bien, c'est l'hypoglodème, d'accord. La dysphagie, ce n'est pas un rétrécissement. Ce n'est pas en utilisant un produit qu'on va avoir un rétrécissement immédiat de l'œsophage, non. C'est plutôt soit l'œdème, c'est la réaction inflammatoire, il y aura de l'œdème, il y aura. Sinon, c'est une dysphagie réflexe. C'est plutôt une dysphagie réflexe. Ça, c'est un signe mineur, c'est pas un signe de gravité. Des irritations, ischias. Des brûlures cutanées et péripitales et au niveau des mains. Peut-être des brûlures, le produit, en plus des mucoses, il peut avoir des brûlures cutanées. Il n'y a pas de parallélisme, il faut savoir hein, qu'il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité des lésions péribucales, des lésions cutanées et des lésions muqueuses. Ça dépend pas seulement en rejetant le produit, on va provoquer des lésions. Les lésions sont plus importantes. Quand chez l'enfant, il y a plus de lésions buccales au niveau des mains, au niveau des cutanées, qu'au niveau de l'œsophage et de l'estomac. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de parallélisme entre les... C'est pas parce qu'il y a des lésions très importantes au niveau du visage ou au niveau péribucal que les lésions sont graves. Normalement, c'est ce qu'on peut avoir comme lésions. Ça, c'est des lésions mineures qui ne sont pas graves. Par contre, les signes de gravité, c'est la détresse respiratoire. Un patient qui vient avec une détresse respiratoire, c'est parmi les signes de gravité. Les régurgitations et les vomissements. Pourquoi les régurgitations et les vomissements sont des signes de gravité? Vomissements. C'est le produit qui va revenir sur le deuxième passage du produit. Si on vomit, ça veut dire que le produit va encore passer au niveau de l'œsophage, ce qu'on appelle un deuxième passage. Donc on va encore aggraver les lésions. Oui, ça peut introduire l'hémorragie digestive. L'hémorragie digestive, pourquoi c'est un signe de gravité? C'est pas seulement la perforation, perforation du foie. Si elle y a monté les lésions. C'est des lésions, c'est l'ulcération. Très bien, l'ulcération est tellement importante qu'elle a touché un gros vaisseau. Ça veut dire qu'il y a un saignement. Sinon, c'est l'ulcération. C'est même si c'est pas un gros vaisseau, l'ulcération est très importante au point de saigner. Le saignement est un signe de gravité. La défense et la contracture. La perforation. Très bien, ça veut dire qu'il y a une perforation. Si on a une perforation, ça veut dire quoi? Dans la cavité, ça veut dire quoi? Diffusion. Péritonite. Péritonite. Péritonite. Péritonite. Péritonite égale quoi? Urgence chirurgicale quelque part. C'est urgence chirurgicale. Ça veut dire que c'est un patient que je n'ai pas le temps d'aller lui faire ni sa fibro, ni son scanner, ni rien. J'ai une défense abdominale. C'est un patient que je dois opérer en urgence. Ça veut dire qu'il a perforé. Le produit, soit la quantité est tellement importante, sinon il est tellement fort qu'il a provoqué une perforation. Que ce soit la perforation gastrique ou la perforation œsophagienne. La perforation gastrique, j'ai une défense abdominale. La perforation œsophagienne, qu'est-ce que je vais avoir comme signe? Dyspnée. Détresse respiratoire, non? Oui, c'est un signe, mais ce n'est pas le signe de l'œsophagie. Le passage, si... La perforation gastrique, j'ai un passage de quoi dans la cavité pour que j'ai une contracture. Quand la contracture, ça signifie quoi? c'est le passage de l'air dans la cavité. Mmh. Si je fais un thorax, un abdomen sans préparation, je vais voir le poumon péritoine. Ça veut dire qu'il y a passage de l'air dans la cavité péritoniale. Dans le médiastin, c'est pareil. J'aurai un pneumomédiastin. Ça veut dire qu'il y a un passage de l'air dans le médiastin. Alors, l'agitation extrême. Il faut faire la différence entre l'agitation neurologique et l'agitation psychologique. Le patient peut être conscient, mais il est agité. Par contre, l'agitation extrême, ça veut dire que le patient n'est pas conscient. C'est ce qu'on appelle une agitation neurologique. Ça veut dire que, c'est comme la détresse respiratoire. Ça, c'est une notion, on peut appeler ça une détresse neurologique. Ça n'existe pas, la détresse neurologique. Mais l'agitation extrême, ça veut dire qu'on est rentré dans le coma. Le choc hypovolémique et l'emphysème sous-cutané. Ça signifie quoi, l'emphysème sous-cutané? De l'air. Non, ce n'est pas seulement des branches. Si j'ai un emphysème sous-cutané médiastinal, ça signifie qu'il y a une perforation de l'œsophage. Je vous ai montré des signes cliniques que peut présenter un patient qui arrive après avoir ingéré un produit. Alors, ce que vous devez connaître en premier, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire devant une ingestion, avant de connaître ce que vous devez faire. Premier lieu, ce que vous ne devez surtout pas faire. Est-ce que vous allez conseiller aux gens, vous êtes un voisin de quelqu'un qui a pris, on vient vous solliciter, même vous êtes externe, voilà, mon fils a pris le décapro. Vous allez déjà dire, il ne faut surtout pas faire vomir. On a dit, faire vomir parce qu'il y a un deuxième passage. Il ne faut rien donner. Ni de l'eau, ni de l'antidote, ni de la tisane, ni de l'huile d'olive, ni du lait, ni rien. Rien. Pourquoi ? Augmenter le volume. Réaction. Réaction. Infection. On va diluer ce produit, on va le faire passer encore dans le reste de notre tube digestif. Ne rien donner. Et en plus, avec l'interaction des produits, si on donne de l'huile, il y aura encore une réaction chimique avec le produit, on va encore aggraver les lésions. Rien, on ne donne rien. Alors, ni de l'eau, ni rien. Encore. Il est à l'hôpital. Il est arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qu'on ne doit ? En général, nous, on fait toujours ce que vous avez appris, règle des quatre tuyaux. Deux voies d'abord, sonde gastrique, sonde vésicale. Il ne faut surtout pas mettre de sonde gastrique. On n'a pas idée de l'aspect des lésions et un risque de perforation. Le passage de la sonde, même si une sonde qui est un risque de perforation. Alors, on ne met pas de sonde gastrique. Qu'est-ce qu'on ne doit pas encore faire? Libération des voies aériennes supérieures. Il faut toujours mettre en condition le patient, le mettre en position demi-assise pour libérer les voies aériennes supérieures. Alors, après avoir, on a un patient devant nous, on doit toujours, la première chose à faire, c'est l'interrogatoire. Devant tout patient, quel que ce soit une urgence ou un patient en consultation, la première chose à faire, c'est l'interrogatoire. Dans notre cas bien précis, on doit interroger le patient ou l'entourage sur des questions bien précises. Bien sûr, je le redis à chaque fois, le type du produit, la quantité du produit, l'heure de l'ingestion et les antécédents, bien sûr, du patient. Les antécédents, que ce soit des antécédents psychiatriques, des antécédents médicaux, s'il n'a pas d'autres problèmes associés. Il faut toujours l'interroger s'il n'est pas habitué à prendre autre chose. D'accord ? Parce qu'il faut toujours chercher la polyintoxication. Ça veut dire qu'il a pris déjà un produit qui est toxique, qui n'est pas toxique. Un produit toxique, ça veut dire qu'il va passer dans la circulation générale. En plus, tu produis aussi. La quantité, on va parler d'une ingestion massive à partir de 150 ml de produit. Ça veut dire, on va dire un demi-verre. Le verre, il fait à peu près 250 cc. C'est à partir d'un demi-verre ou plus, on va parler, parce que le patient, il ne va pas vous dire qu'il a pris 150 cc de produit. Il va vous dire qu'il a pris le quart de la bouteille, le tiers de la bouteille était pleine, il a pris, je l'ai trouvé à moitié. moitié ou là je l'ai trouvé complètement vide, c'est à vous de calculer approximativement la quantité du produit, tout en sachant qu'au-delà de 150 ml, on parle d'une ingestion quand même massive. D'accord ? Pourquoi j'insiste sur ça ? Ça, c'est parmi les critères de gravité. On a des critères de gravité clinique que vous avez vus, les signes cliniques de gravité. On a des signes anamnestiques de gravité. La quantité du produit, le type du produit. D'accord ? Alors, une fois qu'on a posé les questions, on pose des questions, il faut savoir comment c'est des urgences. Hein. Ça devrait s'enchaîner. En interrogeant le patient tout en faisant notre prise en charge initiale, en interrogeant l'entourage, tout en libérant des voies aériennes supérieures, on doit mettre des voies d'abord, faire des prélèvements et commencer le remplissage parce que corriger un état de choc, on a pris la tension, on a vu qu'il a quand même une hypotension d'abord, ça veut dire qu'il est en hypovolémie, on doit corriger la volémie. On a mis une sonde urinaire où on n'a pas trouvé d'urine, ça veut dire que tout ça, ce sont des signes d'hypovolémie qu'on doit corriger. On recherche les stigmates de polysintoxication, comme je vous ai dit, en interrogeant le patient et même en faisant le prélèvement. On doit rechercher les toxiques dans le sang. Le patient doit être dans un service de réanimation, en présence du chirurgien, du gastro-entérologue ou de l'endoscopiste pour faire... Si on dit tube digestif, le premier examen, c'est quoi ? C'est la fibrose. Et bien sûr, rechercher les signes de gravité clinique qu'on a vus. Si je repose des questions, quels sont les signes de gravité ? Les critères de gravité. Avant d'arriver aussi aux critères de gravité clinique, on va commencer par quoi ? Par la nature du produit et la quantité. Par la suite, on arrive au critère de gravité clinique. La détresse respiratoire, l'hémorragie digestive, les sacs de choc, les signes d'hypovolémie, l'agitation extrême, la contracture abdominale et l'emphysème sous-cutané. Par la suite, on a vu les critères, on va revoir à chaque fois, hein, parce que c'est un TD, quand vous n'aurez pas de support, c'est ça votre support. L'évaluation, on a vu les critères, on va revoir les critères de gravité, l'évaluation des lésions digestives et l'évaluation des lésions respiratoires. Alors l'évaluation des lésions, on va dire respiratoires et ORL aussi. Pour les critères de gravité, c'est une ingestion massive d'un acide fort. Les signes de, c'est surtout l'ingestion massive, c'est surtout la quantité du creux. Les signes de péritonite ou de perforation d'organes creux, l'état de choc, l'hypoxie, l'acidose métabolique, les troubles psychiques et bien sûr les critères de gravité endoscopique qu'on va voir après. C'est bon, c'est clair. Alors, la perforation œsophagienne, on aura un emphysème sous-cutané avec une douleur thoracique. La perforation gastrique, c'est la douleur abdominale avec une contracture abdominale. C'est-à-dire qu'on aura un ventre de bois. Alors, l'évaluation radiologique, c'est l'opacification. À la SP, on aura le croissant gazeux qui signifie la perforation de l'œsophage. La radiographie du thorax, on aura un pneumon médiastin. Le pneumon médiastin, soit par inhalation, soit par perforation, perforation œsophagienne. Alors, on va évaluer notre lésion. On va l'évaluer radiologiquement par la fibroscopie digestive haute. La fibroscopie digestive haute est l'examen qu'il est. C'est un examen qui ne doit pas être fait trop tôt, ni trop tard. Trop tôt, il est contre-indiqué, trop tard, il est contre-indiqué. Il doit être fait à temps. À temps, vous allez me dire, c'est quand à temps. Super. On va dire, à temps, c'est au-delà de la troisième heure. On peut aller jusqu'à la sixième heure, si on veut être... Mais au-delà de la troisième heure. Pourquoi on dit au-delà de la troisième heure? Je vous ai dit que les bases, ce sont des lésions... c'est un produit qui est visqueux. Ça va provoquer des lésions profondes. C'est-à-dire que le produit, il est là, il est encore en train d'agir. En faisant une fibroscopie juste après l'ingestion, dans l'heure ou les deux heures qui suivent l'ingestion, on va sous-estimer les lésions. Ça veut dire qu'on va refaire dans quelques heures. On va trouver quelques ulcérations alors que le produit, là, il est en contact de la muqueuse et il est en train d'agir. Si je refais l'examen dans 6 heures, je vais trouver de la nécrose. D'accord ? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop tôt. Trop tard, ça veut dire au-delà de 3-4 jours, les lésions en plus des lésions, il y aura de l'inflammation, il y aura des phénomènes de cicatrisation. En faisant la fibroscopie, on peut aggraver, il y a risque de perforation. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop tard. Pardon ? Trop tard, ça veut dire au-delà du quatrième jour. Si on le fait, ça devrait être par un endoscopiste bien entraîné. C'est pas tout radio, tout gastroentérologue peut vous faire cet examen. Sinon, il y a le risque de perforation. Il faut savoir, on a dit, il n'y a pas de parallélisme entre les lésions buccales et les lésions muqueuses. L'endoscopie, vous savez, je pense que vous l'avez déjà fait, est contre-indiquée en cas de perforation. S'il y a perforation, ça n'égale pas endoscopie, c'est plutôt ça égale chirurgie en urgence. Sinon, c'est la péritonite. Une péritonite qui n'est pas opérée, ça va évoluer vers quoi ? Vers le choc septique. Le choc septique. Et le choc septique, 80% des cas, c'est le décès. Alors, l'endoscopie qui est l'examen systématique en urgence, il va nous permettre de faire un bilan lésionnel. Ces lésions vont conditionner le pronostic et le traitement, parce que notre traitement dépendra du type de lésion. Pour que ça soit entre l'idéal, c'est entre la 3e et le 24 heures. Au-delà, ça devrait être fait par un radiologue, par un endoscopiste entraîné. L'installation, pourquoi on ne doit pas faire très précocement ? Parce que l'installation de la nécrose commence à partir de la 3e à la 6e heure après le contact. Donc ça, il faut attendre au-delà. L'idéal, c'est au-delà de 6 heures, mais on peut la faire à partir de la 3e heure. Ça devrait être fait en milieu spécialisé parce que le risque de perforation y est. Permet de faire un bilan lésionnel et d'établir une stratégie thérapeutique parce que notre conduite thérapeutique dépendra du type de lésion. Alors on a 4, le stade 4 c'est clair, on a dit c'est une perforation, on n'a pas besoin d'endoscopie pour nous dire que c'est une perforation. Bon, ça peut passer, on n'a pas de contracture à l'ASP, on n'a pas de mon territoire, mais à l'endoscopie on peut trouver des lésions de perforation. Le premier stade, c'est le stade de l'érythème. C'est juste un érythème, un petit érythème, une petite rougeur de la muqueuse. C'est grave ou c'est pas grave ? Bien positif. Ça, c'est pas bien. Il n'y a pas une belle coloration. Parce que là, on a besoin de voir juste une rougeur. Ça, c'est le stade de l'érythème. Une rougeur de... Vous pouvez régler la lumière quand c'est pas la peine de toucher parce que je pense qu'il est... On risque de tout... Enragé. C'est le stade de nécrose. crosse peut être localisée comme elle peut être généralisée au sein des lésions de marrage. D'accord ? C'est bon là pour la classification, c'est clair ? Pour la classification, on a quatre types. On a le type 4 qui est le plus simple, c'est la perforation. Le type 1, c'est l'érythème, c'est la rougeur, c'est quand on a contourné. C'est juste une rougeur, sinon c'est des lésions pétéchiales. Le type 2, c'est le stade d'ulcération. Le type 3, c'est le stade de nécrose. Le type 2, on a deux stades, de A et le B. On peut avoir juste des ulcérations linéaires, de petites ulcérations. Sinon, ça peut être confluent, circulaire et confluent. Pour la perforation, c'est pareil. Pour la nécrose, c'est pareil. La nécrose peut être localisée, c'est une petite nécrose. Comme ça peut être une nécrose qui est généralisée, étendue à une surface plus importante. À partir de là, ça va dépendre de notre point du statut. Bien sûr, en plus de la clinique, en plus des signes de gravité, qui nous font plus léger. En plus des lésions digestives, on doit évaluer aussi les lésions respiratoires. Parce que le produit peut passer par l'inhalation comme il peut passer par diffusion. Et les lésions respiratoires, de l'arbre respiratoire, on peut avoir juste une détresse respiratoire qui traduit soit une obstruction par un œdème, c'est juste de l'œdème de la glotte, qui va gêner la respiration, comme ça peut être dû à une acidose métabolique. L'acidose, vous savez, est parmi les critères de gravité. L'acidose métabolique est parmi les critères de gravité biologique. Comme ça peut être dû à une atteinte du parenchyme par une ingestion du parenchyme pulmonaire, par une ingestion du caustique. Et là, on est obligé de faire une endoscopie respiratoire pour évaluer les lésions. La classification de l'endoscopie respiratoire est la même que pour les lésions digestives. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'érythème, des ulcérations et de la nécrose. Bon, le pronostic est plus sévère hein, par rapport au respiratoire, parce que là, le pronostic peut être immédiat. L'endoscopie digestive, normalement l'endoscopie par la trachéobronchie, doit être systématique à partir du stade 2B. Là, on peut avoir des ulcérations étendues. Normalement, on doit réaliser même une endoscopie bronchique. La classification est la même. C'est l'érythème, l'ulcère, la nécrose et la perforation. Là, on a de l'érythème. Là, on a plutôt des ulcérations au niveau de la trachée et au niveau des deux branches. L'évaluation des lésions, c'est en fonction de la topographie. Le respiratoire, on ne va pas trop insister. C'est plus spécialisé. Mais vous devez savoir qu'il y a des lésions bronchiques. Des lésions bronchiques peuvent être associées. La détresse respiratoire est due soit à un œdème de la glotte, soit à l'acidose métabolique, soit à l'atteinte du parenchyme pulmonaire. Alors, l'évaluation des lésions aussi par un bilan biologique. Le bilan biologique, on doit rechercher une acidose métabolique, une insuffisance rénale, une hémolyse intravasculaire, des troubles métaboliques qui peuvent être liés aux produits lui-même et la recherche d'autres toxines. Alors pour le traitement, on a deux situations. Soit c'est une chirurgie en urgence, soit c'est une réanimation et voir la chirurgie ultérieurement. Quand est-ce qu'on va intervenir en urgence? Normalement, vous pouvez répondre. Péritonite, par exemple. Signe de gravité. On a une perforation, on doit agir. En plus du stade 4, les autres stades, c'est en fonction des signes de gravité associés. Alors, si on intervient, vous allez me dire, pour faire quoi? D'accord? Alors, la place de la chirurgie en urgence, c'est si on a des signes de perforation digestive, que ce soit œsophagien ou gastrique. Le stade 2B, hein, c'est plutôt 2B, et le stade 3 en mosaïque avec, par contre, avec des signes de gravité. Si on a des signes de gravité, si on n'a pas de signes de gravité, on temporise, on n'opère pas en urgence. Le stade 3, on peut intervenir en urgence pour éviter la diffusion mésacinale ou péritonéale du produit. On peut agir comme on peut ne pas agir. Ça, c'est des écoles. Et bien sûr, l'atteinte bronchique associée. Là, il faut opérer en urgence. C'est clair pour l'intervention en urgence. Là où ça ne pose pas de problème, c'est la perforation. Si on a perforation, on doit opérer en urgence. Pour les autres stades, c'est à partir du stade de, si on a des signes de gravité associés. Ça veut dire si on a une hémorragie digestive importante, si on a un signe des signes de choc, si on a une acidose métabolique ou si on a une détresse respiratoire, là on va agir en urgence, en plus des lésions digestives. Sinon, le patient est admis en réanimation, on commence par la réanimation. Alors si on doit agir, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'estomac, c'est clair. Si on a une perforation gastrique avec des lésions de toute la muqueuse, on doit faire une gastrectomie totale. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi faire une gastrectomie totale et ne pas enlever juste cette région qui est perforée. Nécrose. C'est l'antre qui est touché. C'est pas seulement l'antre, mais en général, c'est surtout l'antre qui est touché. Si l'antre est touché, je peux enlever, faire juste une. La muqueuse, toute la muqueuse est atteinte. Une partie est nécrosée, une partie est perforée, mais tout le reste est nécrosé. Mais on peut agir, c'est le cas par cas. Mais en général, on va dire que ça va être une gastrectomie totale. Pour l'œsophage, ça va être un stripping de l'œsophage. Qu'est-ce que ça veut dire un stripping? Vous savez, c'est quoi un stripping? Si on strip quelque chose. La signification du mot stripping. Si on strip, des varices, par exemple. Des varices, des varices au membre inférieur, pardon. On va l'enlever, on va l'arracher. C'est plus significatif. Ça veut dire qu'on va enlever, on va le striper, on va l'arracher, on va faire ce geste comme ça. C'est ça, striper. C'est arracher, on va arracher tout l'œsophage. Et après, on va remplacer. Après, c'est pas dans le cas d'urgence. Œsophagectomie. On enlève ce qui est malade. L'œsophage cervical à la peau, on ne va pas le laisser dans la cavité. Ça veut dire qu'on va faire une œsophagostomie, on va fermer l'estomac, on va faire une jejunostomie, une gastrostomie d'alimentation si l'estomac est sain. On va faire une gastrostomie d'alimentation. Si l'estomac est malade, on va faire une jejunostomie d'alimentation. C'est tout ce qu'on va faire dans le cas d'urgence. Et on rétablira le tube digestif ultérieurement. Ça veut dire après avoir passé cette phase aiguë, on va rétablir le tube digestif, on va faire monter, on va arriver à ça, faire monter soit le côlon, soit le greffe, pour rétablir la continuité digestive. Vous avez compris ou... D'accord ? Dans le cadre de l'urgence, on va enlever ce qui est malade. On ne va pas encore aggraver parce que le patient est fragile. N'oubliez pas que le passage du produit, c'est dans, il y a un passage dans la circulation générale. C'est pour ça qu'on a l'hypovolémie, on a les signes d'inflammation, on a l'acidose métabolique. On doit d'abord gérer tout ça. Et par la suite, on va faire le rétablissement du tube digestif ultérieur. Si on a des lésions œsophage et estomac, on va faire un stripping de l'œsophage et de l'estomac. Œsophagostomie, fermeture du duodénum, jejunostomie d'alimentation. Il ne faut pas oublier, le patient doit s'alimenter. La meilleure alimentation, c'est l'alimentation entérale. Alors, on doit mettre une jejunostomie. Vous comprenez c'est quoi une stomie? Oui. D'accord, stomie, ça veut dire aboucher quelque chose à la peau. Si je dis jejunostomie, ça veut dire qu'on va aboucher le jejunum à la peau. Soit par une sonde, soit le jejunum lui-même, on va l'aboucher à la peau. Et on va alimenter le patient par une sonde. On va lui donner tout ce qui est mixé. Il va s'alimenter normalement le temps de le rétablir. Œsophagostomie, ça veut dire qu'on va aboucher l'œsophage cervical à la peau. D'accord, si on a enlevé juste l'estomac, on va faire une œsophagostomie de l'œsophage thoracique. Et fermeture du duodénum et assurer l'alimentation par une jejunostomie d'alimentation. Si on a des lésions bronchiques ou pulmonaires associées, on doit s'allonger à tous les organes qui sont malades. Si on a une atteinte du duodénum, du pancréas, on doit enlever tout ce qui est brûlé. D'accord ? L'œsophagectomie par stripping ou par thoracotomie si on a des lésions pulmonaires associées. Alors en urgence, on va faire une laparotomie, ce qu'on appelle une laparotomie exploratrice. Ça veut dire qu'on va ouvrir la paroi abdominale. On commence toujours par l'exploration. On va explorer, faire un bilan lésionnel et s'élargir et à enlever tout ce qui est brûlé. Ça veut dire que la brûlure est arrivée jusqu'au niveau de la séreuse. Ces lésions sont plutôt, ça commence de l'intérieur. C'est la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse pour que ça arrive à la sérose. Si ça arrivait à la sérose, ça veut dire que les muqueuses sont complètement brûlées. Hein. Vous trouvez, je vais vous montrer des images où je sais juste la nécrose. Bon, ça c'est la technique, c'est la laparotomie. On aborde le patient médical par cervicotomie. On invagine, ça veut dire qu'on va l'invaginer par une sonde et on va le stripper. Et terminer par une jejunostomie d'alimentation. Voilà à peu près l'intervention qu'on va réaliser. Ça, c'est pour le stripping de peau. On va mettre le stripper, on va stripper, on va arracher l'œsophage. Ça, c'est juste par voie, par laparotomie. On va faire une voie cervicale pour aborder l'œsophage cervical, mettre une sonde. Contrôler bien sûr, là c'est en préopératoire. Vous allez me dire que c'est perforé, on risque de perforer. Là c'est sous contrôle visuel, ça veut dire qu'on va contrôler, on va enlever tout ce qui est brûlé. Voilà l'aspect, l'éclairage n'est pas bien. Ça c'est presque verdâtre, noirâtre. Hein. D'accord. Ça c'est un œsophage qui est brûlé. Voilà l'aspect, ça c'est l'aspect de la muqueuse. Hein. La muqueuse qui est complètement noirâtre. Et ça c'est plutôt de la séreuse. C'est de l'extérieur, c'est la séreuse. Et ça c'est l'aspect de la muqueuse qui est complètement nécrosée. Bon, ça c'est plutôt des lésions œsophagiennes associées. Les complications. Alors qu'est-ce qu'on doit avoir comme complications ? Si on parle de complications, ça veut dire qu'on a des complications précoces et des complications tardives. Je vous ai parlé de ce qu'on doit faire dans le cadre de l'urgence. On a opéré le patient. Si on n'opère pas le patient, on peut avoir des complications. qu'il n'y a pas de signe de gravité et les lésions sont plutôt à partir. C'est pas le stade de 4, c'est pas le stade de perforation, c'est pas le stade 3B. Même actuellement, le stade 3B, ça se discute. Hein, parce que initialement, moi, quand j'étais externe, le stade 3, à partir du stade 3, c'est 3 et 4, c'est l'intervention en urgence. Alors, des études ont été faites et ils ont trouvé qu'on était en train d'enlever des organes pas sains. Ou juste la muqueuse qui est malade, qui est brûlée, qui est nécrosée. Mais le reste, ça veut dire la musculose, la séreuse, c'est ça. Ça veut dire si on a laissé cet organe, il aurait pu ne pas perforer. Au pire, on aurait eu des sténoses. Des sténoses qu'on peut gérer. Parce que l'intervention, quand même, c'est une intervention lourde. C'est pour éviter cette intervention dans le cadre d'urgence. Vous avez dit, on a eu 3 décès. Un opéré, un qui n'a pas eu le temps d'être opéré et un qu'on a perdu sur table. Ça veut dire quand même c'est des interventions qui sont lourdes, qui ont une morbidité très importante. On doit éviter, sauf indication. C'est pour ça actuellement, bon, chez nous, si je vais vous poser une question, vous allez me dire à partir du stade 3B, on opère. Le stade 3A, le stade 2B, c'est avec des critères de gravité. Avec des signes de gravité, on opère. S'il n'y a pas de signes de gravité, on l'hospitalise en réanimation et on va voir en fonction de l'évolution. C'est clair? Si c'est pas clair, je réexplique. Hein. C'est bon, c'est clair? Oui. Je ne sais pas, je vois des têtes qui ne me répondent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complication précoce? Première complication à redouter, c'est l'hémorragie, c'est le saignement. Ça veut dire que la lésion est tellement importante qu'elle peut éroder les vaisseaux, l'ulcération est tellement. Que la muqueuse commence, c'est pas seulement les vaisseaux qui vont saigner, même la muqueuse va commencer à pisser du sang. Et ça peut donner une hémorragie digestive. La muqueuse, parce que des fois le produit est là, on a l'escarre qui colmate cette ulcération, la chute de cette escarre qui fait hémostase, c'est comme la croûte. La croûte, la chute de l'escarre va provoquer un saignement. Sera responsable d'un saignement de la muqueuse. La muqueuse va commencer à pisser du sang, sera responsable quand même d'une hémorragie digestive. Je vous ai dit que l'hémorragie digestive est parmi les critères de gravité. On peut avoir des complications respiratoires par une atélectasie, le poumon va se rétracter, un pneumopéritoine. On peut avoir des complications infectieuses par perforation. C'est surtout la perforation œsophagienne. Des fois, la perforation œsophagienne peut passer inaperçue. C'est pas souvent qu'on a cet emphysème subcutané qui va nous dire que l'œsophage qu'il y a de l'air dans le médiastin. Et ça peut donner une médiastinite. Comme on peut avoir un syndrome de détresse respiratoire. Alors, les complications tardives, c'est surtout la sténose. Alors, dans les meilleures conditions, le malade va s'en sortir avec juste une sténose. La sténose est gérable. La sténose, on peut la traiter par deux procédures, soit par dilatation, soit par résection chirurgicale. C'est clair pour les complications. On a des complications précoces, la complication tardive, c'est la sténose. Les complications précoces, c'est hémorragique, respiratoire et infectieuse. Les trois complications, ce sont parmi les critères de gravité clinique qui posent l'indication chirurgicale. Ça, c'est la sténose. On fait un TGD après 3 semaines d'évolution, on va trouver une sténose. On commence à traiter par dilatation. Ça, ce sont des sténoses de l'ovagène. Tu peux avoir une sténose gastrique. Ça, c'est une sténose. En général, les sténoses entrailles ne répondent pas aux dilatations. Quand c'est une sténose qui est tendue, l'indication c'est d'aller réséquer cette partie. Sténoser et rétablir la fonctionnalité digestive. Par contre, pour les sténoses œsophagiennes, comme l'œsophage est tendue, on va commencer toujours par des dilatations pneumatiques, des dilatations endoscopiques, avant d'arriver à l'indication chirurgicale. Dilatation endoscopique, c'est après 3 semaines, on va arriver à la conclusion. vous êtes devant un patient qui a ingéré un produit toxique. Elle va être votre quantité initiale. Quelques petits conseils pour dire prenez quelque chose, ne prenez pas trop chaud, pour ne pas aggraver les lésions, parce que ça va brûler encore. Et ne prenez pas quelque chose de froid, prenez des aliments tièdes pendant quelques jours et c'est bon. Sans plus. Si on a un stade 2, vous avez dit que notre endoscopie. Très bien, c'est ce que je voulais entendre. On est devant un stade 2A ou un stade 2B. La conduite à tenir est différente entre un stade 2A et un stade 2B. Le stade 2A, qu'est-ce qu'on a dit? On a quelques petites succérations linéaires. Au rang. Au rang, quelques petites succérations. Le stade 2A, on doit faire une succérations contrôle du jour après. Parce que de tout ça, on peut passer à ce stade. D'accord ? On fait, bon, le patient doit être hospitalisé pendant 10 jours, dans un service de réanimation, corriger s'il y a des troubles à corriger, mettre le patient sous alimentation par en thérapie, refaire une fibroscopie le jour après. Le jour après, on a deux possibilités. Soit on revient au stade 1, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver d'ulcération, c'est juste les ulcérations ont commencé à guérir. Ce qu'on peut dire, qu'il y aura juste un érythème, une rougeur, quelques petites ulcérations linéaires. Là, on peut rassurer le patient. Par contre, si on a des persistances de lésions ou aggravation des lésions, c'est-à-dire qu'on a des ulcérations plus importantes, fluctuantes, ça devient plus important quand il y en a une dans l'autre. Ça va être une chirurgie d'alimentation pour revoir le patient 3 semaines. Là, le patient ne va pas rester sous alimentation parentérale. 8 jours sous alimentation parentérale, c'est largement suffisant. Il va s'alimenter par voie entérale. Alors, si ce sont des lésions juste au niveau de l'œsophage, on peut lui faire une gastrostomie d'alimentation. Si ce sont des lésions au niveau de l'œsophage et de l'estomac, ou ce sont des lésions plutôt gastriques, on va faire une gastrostomie d'alimentation, revoir le patient 3 semaines après, faire une fibroscopie de contrôle. À la fibro, on a aussi deux possibilités. Bon, on va passer au stade 2 parce que ça va être la même chose. J'ai dit, à 8 jours après, on fait une fibro de contrôle. Si les lésions sont stables ou sont améliorées, on rassure, on autorise l'alimentation et on libère le patient. Si par contre, il y a aggravation des lésions ou stabilisation des lésions, la conduite à tenir va rejoindre la même conduite à tenir que le stade 2. D'accord ? Pour le stade 2B et le stade 3A, et le stade, il nous reste combien de stades ? Et le stade 3B. Non, le stade 4, on avait l'indication chaque B4. Le stade 4, ça ne se discute pas. Le stade 4, c'est la chirurgie. Le stade 3 est doublé si on a des signes de gravité associés. On opère en urgence. Si on n'a pas de signes de gravité associés, on doit laisser le patient en observation. La jéjunostomie d'alimentation va déjà le fait de faire une jéjuno. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une exploration chirurgicale. C'est-à-dire qu'on aura une idée des lésions. On ne va pas faire la jéjunostomie d'alimentation dans l'immédiat. Ça veut dire après stabilisation du patient. Le patient doit être stable avant de lui faire sa jéjunostomie d'alimentation. Ça peut être à 8 jours, ça peut être à 6 jours, ça peut être à 10 jours. C'est en fonction de la stabilisation du patient. Le patient doit être stable. D'accord ? Une fois patient stabilisé, on lui fait sa jéjuno d'alimentation. Comme ça, je vous ai dit là, on va revenir à ce stade et faire une jéjuno d'alimentation. C'est des patients qui ne doivent pas s'alimenter au moins 21 jours. Faire une jéjuno d'alimentation et faire une fibroscopie 33. La fibroscopie 33, on a deux possibilités. Soit il y a ces gens, ça veut dire que ça c'est. L'évolution s'est faite vers la sténose, soit on aura une régression des lésions. Si on a une sténose, qu'est-ce qu'on va faire? Dilatation. On doit faire un TOGD pour voir cette sténose. parce qu'on peut avoir plusieurs types de sténoses. Ce n'est pas toutes les sténoses qui sont dilatables. On peut avoir une petite sténose. On peut avoir plusieurs sténoses étagées. On peut avoir une sténose totale de l'œsophage. Pour l'estomac, c'est pareil. On peut avoir juste une petite sténose pylorique. On peut avoir une sténose antrale, comme on l'a vu dans l'image. Comme on peut avoir un estomac qui est complètement ratatiné. La conduite à tenir est différente. Si l'estomac est complètement ratatiné, on va enlever tout l'estomac et faire une anastomose œsogéjunale. Si c'est juste l'antre qui est sténosé, on va faire une antrectomie et une anastomose soit gastro-duodénale, soit gastro-œsogéjunale. Si c'est juste le pylore qui est sténosé, on va commencer par des dilatations. On va dilater. Et si les dilatations ne donnent pas, on va faire une résection. Soit une résection pylorique, soit une pyloroplastie. Ce qu'on appelle une pyloroplastie. Ça veut dire ouvrir une plastie du pylore, ouvrir le pylore dans un sens et le fermer dans un autre sens, qu'il soit dilaté. Plus dilaté. D'accord ? On va le fermer comme ça, on va cet aspect. Justement, on va cet aspect. Ça veut dire que le pylore va se distendre. Pour l'œsophage, si c'est des petites sténoses, on peut les dilater. Par contre, si c'est une sténose étendue qui prend tout l'œsophage, on ne peut pas dilater. On va pas réséquer. On va le laisser en place, on va le remplacer par du colon. La résection, c'est la résection dans le cadre de l'urgence. Après, il y aura des phénomènes inflammatoires. Si on résèque, on risque de faire quand même c'est un organe qui est un organe médiastinal. Qu'est-ce qu'il y a ? Quels sont les organes de voisinage de l'œsophage ? On a la trachée encore. Très bien, on a la aorte. Alors si on va réséquer avec des phénomènes inflammatoires, après qu'il y ait de la fibrose, il y aura de la fibrose, ça veut dire qu'il y aura des adhérences, les organes vont adhérer. Si je vais enlever cet œsophage 3 mois après, je vais enlever avec lui et la trachée est là. Alors on va le laisser en place et on va le remplacer par du colon ou du greffe. Ce qu'on appelle une coloplastie. On va le remplacer par du colon. On ne va pas emprunter le même trajet. On voit c'est un organe médiastinal. Nous, on va forer juste derrière le sternum, qu'on appelle en rétrosternal, et on va faire monter notre transition, notre colon, avec son vasculaire. On va la faire monter avec. Je vais chanter.